Percer de faute et de parti pris. Emporte les crimes car leur parti prive. Y'a peu d'estime, c'est notre départ qui prie. Donc pas de complaisance sur la rythmique. On n'est pas plaisant et rare complaisant dans cette art ethnique. Crier et geindre, on n'en voit pas le but. Donc balance un palpit. J'rappe tant que mes artères palpitent. C'est ma voix, ma cam, mon issue, ma cale, ma vertu, ma cabre. Ce qui m'escorte quand leurs griffes m'accablent. Pourquoi j'rappe? Pourquoi suis-je ainsi? Pourquoi j'rame? Pourquoi j'frappe? Et au bruit j'incite, pourquoi je clame? Des pages crame, j'insiste, et loin des sages crânes, on cache craque, gêne si certains lâches braque. Je prêche haine et décadence, et j'encaisse t'en dis, qu'on mène trop de dégâts dans ce pays, qu'est-ce t'en dis? Je m'écris pas trop maître, tant que les beaux finales, je reste un être honnête, pas trop net, et te promette un beau final. On slalom entre mort et pisse, nos corps épuisent, on a tort et pisse. Sur nos vies que les porcs épicent. Au fond de nos cloisons célestes, on célèbre et nous blasons ces lettres, de façon obsolète que notre blason s'élève. Je suis genre de mec en clash qui cause des dégâts colossaux, ouais. La peau qui colle aux os. Les profs subissent part de l'école aux os. Quand ça va pas, j'ouvre le frigo et direct j'prends des bières. J'me roule un gros joint de bâtard, c'est là c'est pour André Pierre. Les rappeurs font de la merde, c'est malheureux, tous les MC s'en vendent. Si ça t'intéresse, j'ai des barreaux, j'en ai encore 600 ventes. Le shit m'étouffe et j'travaille les poumons tranquille comme Jacques Mailleul. J'esquive les grands bleus, une ville de keuf, bah j'cramerai chaque bagnole. J'suis pas le genre de mec blindé aux as et nique sa mère. Et ouais, mon frère, dans la vie pointé aux as et nique sa mère. Zikler à vrai dire, pas donc de pute, on est trois frères honnêtes. Tu dis que le rap est dans le coma, ferme ta gueule, on t'a fait renaître. Toi t'aimes la cheveux blanc, connard t'en as la figure pleine. Tu veux me pépon le chemin, viens voir, j'suis dans ma ville urbaine. Les pitures craignent, bien éclaté, j'ai le shit entre les doigts. Moi j'ai le vent de crotter toi, mon rap foudroi, viens éventrer les toits. Moi j'suis comme ça, j'adore le béton, j'en fume des multitudes. Et quand j'me pète le crâne, le soir dans ce monde, une tête de multitude. Zikler à vrai dire, du rap hardcore, on va pas rapper chic. Et si tu veux clasher trou de balle, tu repartiras paraplégique. Talent caché, celui que le rap ne changera pas. La rue m'embrasser, comment tu veux qu'on fasse chambre à part? Défoncer 24 H et plein de tracas, 5 cracas, plein de craquages, emprunt de placard. La récidive tient sa place dans le calendrier. Les flics t'arrosent, c'est la vie parose, des talents grillés. C'est la naissance, t'es pas tombé sur la bonne case. L'estasique à l'étage, quand l'extasie n'incite pas l'extase. J'espère m'étendre, pas comme mes thunes dans l'air du temps. Je véhicule mon cru, j'ai vécu des trucs qui sont percutants. Entre la vie et le manque, on rêve de billets de banque. On a repris les devants, l'avance des règles dont la vie dépend. Des pensées malsaines, le mal saigne. Les buts freinent, les fils de pute règnent. Là où j'ai presque plus de rêve. Le Marocco à l'oreille, on a la dalle, on rame. Y'a pas de pédale, on rap. J'garde la rage quand j'pars à l'oral. C'est pas le plus petit qu'attaque, moi j'ai l'esprit kata. Depuis que des pédés rap avec la race, un duplicata. T'es dans l'actu quoi qu'il arrive, cocu comme il arrive. Aucune trace de la ride, no cul, l'arrêt, la rime. Yeah.